de tant d'exploits. Toujours victorieux, pourquoi quitter mes âmes? La paix pour un héros a-t-elle tant de charme? Achevez de soumettre Israël à vos rois. Achevez, achevez, achevez de soumettre Israël à vos lois. Il n'est rien qui t'abête. Ta main à me frapper, ta main est-elle prête? Moi, Seigneur, moi, faut-il au milieu des combats se contre les efforts d'une troupe ennemie verser pour vous mon sang, pour vous perdre la vie? La plus affreuse à moi ne m'arrêtera pas. Parlez, vous me verrez courir de ses épaules. Faut-il verser mon sang? Faut-il perdre ma vie? La plus affreuse à moi. S'intéresse. Cruel, est-ce là le prix que tu dois à ma tendresse? Quand il faut soulager la douleur qui me presse, je ne retrouve plus mon fils. Et là, j'irai moi-même. Il me fuit. Et son crime, enfin, en ce moment, se découvre à mes yeux. Hâtez-vous de servir la fureur qui m'anime. Peut-être puis-je encore le rejoindre en ces lieux. Peut-être puis-je encore le rejoindre en ces lieux.